5-3-12 de Garpe, lu par K00 pour audiocité.net. Dedicated to Mark Z. Danieluski, Jam Up, Jam Down. 5-3-12. Toc, toc, toc. La pendule de la cuisine prétendait assurer la survie du silence. D'une pulsation lancinante et têtue de goutte à goutte à goutte, difficile malgré l'habitude de ne pas souhaiter l'euthanasier, elle, par un habile lancer d'objets contendants. La table, petit déjeuner dressé pour le clan familial, offrait l'éventail de munitions nécessaires à l'assouvissement de cette pulsion meurtrière. Inconvénient, comment expliquer ensuite que la foutue mécanique ait succombé à l'assaut inopiné d'un pot de confiture? Peu plausible, pour ne pas dire absurde. Donc, comme chaque matin, je me suis retenu, condamné à la mitrailler de regards assassins dénués de la moindre efficacité, yeux rouges chargés à blanc. J'avais bien pensé lui arracher sa pile à cœur ouvert et sans anesthésie, mais à quoi bon? Dans la journée même, il se trouverait une âme charitable pour lui greffer une 1,5 V LR6, sans phénomène de rejet. Quel que soit leur prix, les pendules de cuisine ont la peau dure. Je sais, allez voir, on ne dirait pas. J'ai soupiré derrière le rempart de ma tasse de café. Ces toc-toc ironiques métronomiques me faisaient la nique. Objet inanimé, sans sombrer dans la parano, celui-ci avait une âme à me damner, à me faire chier. Quoique, à bien y réfléchir, la situation, certes agaçante, s'avérait loin d'être insupportable. Il suffisait de ne pas y prêter attention, de l'ignorer royalement. Question de distanciation, de concentration. D'ailleurs, comme quoi il y avait une justice immanente, la pauvre pendule ne pouvait sonner. De génération en génération horlogère, cette faculté s'était, à mon sens, atrophiée jusqu'à disparaître. Pas de bol, hein, ma vieille? Toc, toc, toc. J'ai ricané en reposant ma tasse. La rancœur de ce machin en plastique qui se vengeait en refusant obstinément de donner l'heure juste, confiné au pathétique. « Papa, à qui tu parles ?» 5-4-12. « Poussin !»« Mais il est beaucoup trop tôt. File te recoucher !» Ses yeux clignotaient deux ou trois fois. Il oscillait imperceptiblement, à mi-chemin, sur le fil reliant veille et sommeil. Mais il a tenu bon. « À qui tu parles ?» Toc, toc, toc. Là, le silence a commencé à opérer un repli stratégique, sur la pointe des pieds. « À personne, Biquet, à personne. »« Si, tu as dit pas de bol, je t'ai entendu. » Toc, toc, toc. La pendule se foutait de moi, masticotée de ses tocs, de seconde en seconde, davantage sarcastique. J'avais escompté profiter d'une heure de paix et de tranquillité. L'arrivée de mon fils déséquilibrait les forces en présence, bouleversait mes plans. Et ça, la pendule, incapable de sonner, le sentait, le savait, le savourait. Saloperie de mécanique. Pas de bol, j'ai dit pas de bol? Oui. Toc, toc, toc. Eh bien, c'est pour cela que j'ai mis des tasses, tu vois. Froncement de sourcils. Autrement dit, le tour de passe-passe que je venais de tenter ne passait pas, ne lui avait pas échappé. Les gamins sont particulièrement doués pour flairer ce vieux truc d'adulte. À croire qu'ils se refilent le tuyau les uns aux autres. Ce n'était pas la première fois que je le remarquais. J'allais devoir trouver autre chose. Cette non-réponse ne le satisferait pas, ne le renverrait pas se coucher, à moins de jouer franc jeu. Après tout, me suis-je dit, quel mal y a-t-il à admettre que l'on parle seul? Sauf que là, je m'étais adressé à la pendule, et il savait parfaitement que jamais elle ne m'aurait répondu. Toc, tic, toc. L'arythmie soudaine dans la progression minutée de la petite aiguille ne laissa planer aucun doute. Elle venait de comptabiliser un point en sa faveur et me le signifiait sans ambiguïté. Saloperie de mécanique. 5-5-12. J'ai pris sur moi. Je parle à la pendule, mon grand. Ses yeux se sont agrandis, comme s'il cherchait à ressembler à un personnage de manga. À la pendule? Je me suis contenté de hocher la tête, avec un sourire que je voulais le plus complice possible, mais qui a dû davantage s'apparenter à une grimace contrite, coupable, Tu parles à la pendule? Eh bien quoi? Oui, ça m'arrive. On ne va pas en faire une histoire quand même. Tu parles bien à tes jouets, toi. Mais moi, c'est normal, papa. Ah oui? Et pourquoi je te prie? Parce que je suis un enfant. Logique, implacable, imparable. Toc, tic, toc. Saloperie de mécanique. Pris en flagrant délit de débilité, j'ai de nouveau lorgné vers le pot de confiture, puis en direction de la pendule, un rictus mauvais aux lèvres, avant de réaliser que cela n'aurait en rien redoré mon blason de père. Au contraire, j'allais devoir faire un effort, trouver n'importe quoi, mais du solide, du costaud. Un argument massu, c'était loin d'être gagné. 5, 6, 12. Pas moyen de me concentrer. Toc, toc, toc. Le silence tentait pourtant une timide réapparition. Toc, toc, toc. Mais, à 2 contre 1, comment pouvait-il lutter? La pendule refusa à présent d'assurer sa survie. Et mon fils, qui commença à s'impatienter, s'était mis à taper du pied, de sa pantoufle pour être précis, à contre-temps, l'ensemble, un simili-concert baroque de toc et de tape, en forme de claque ou de baffe. Toc, tap, tap, toc, tap, tap, proprement infernal. Plus ce morse de cuisine s'intensifiait, moins je parvenais à réfléchir. Plus mon gamin fronçait les sourcils. Une véritable torture, un cercle vicieux. Et je réalisais avec effroi dans le dos, bien que le chauffage fût en marche. Toc, tap, tap, toc, tap, tap. Un argument massu à trouver. J'ai jeté un œil vers la pendule qui n'avait jamais pu sonner. 5, 7, 8. Un réflexe qui ne m'apportait rien, je le conçois. Surtout pas l'heure juste. Mais un réflexe, justement, par son côté instinctif, n'a pas pour vocation de toc, tap, tap, toc. 5, 7, 10. Tempus fugit. Me suis-je dit histoire de me libérer l'esprit, ce qui lui permettrait peut-être, au demeurant, de faire ce que j'attendais de lui, me trouver un argument irréfutable, quel qu'il soit. Je n'étais pas le seul à attendre, il y avait un gamin. Bon sang. Et demain, tout à l'heure, il avait école. S'il ne retournait pas se coucher vite fait, il risquait de s'endormir en classe, sous le nez de sa maîtresse. Et si cela arrivait, qui est-ce qui allait se retrouver convoqué par l'institutrice en vue d'un interrogatoire musclé, mené à la baguette? Donc, assez joué. 5, 8, 12. Trop pressé pour en finir, trop de bruit pour raisonner avec efficacité, tout bien considéré, il ne s'agissait que de livrer une réponse à même de satisfaire la logique d'un gosse. Pas de quoi en faire un plat. Incapable d'organiser mes pensées, j'ai lancé ce qui me passait par la tête. « Tu sais, quand tu seras grand, toi aussi tu parleras aux objets. » Son regard a changé. En bien, en mal, aucune idée. Côté positif de la chose, il ne tapait plus du pied. C'était déjà ça de gagner. Toc, toc, toc. La pendule n'a pas eu l'air d'apprécier. 5, 9, 5. Tous les grands parlent aux objets. Franchement, j'aurais préféré qu'il me demande de lui dessiner un mouton. Tu penses que je suis le seul dans mon cas? Ça, c'est ce que j'appellerais 1. Mauvaise foi personnalisée. 2. Langue de bois. Répondre à une question par une autre question, tout en mûrissant la meilleure réponse à apporter à la question. Pendant qu'il cogitait, j'ai noyé le poisson, de façon à me fondre dans la masse. Tu n'as jamais vu d'adulte pester contre une machine à café, gifler une télévision, lutter à bras le corps avec un lave-vaisselle, bombarder de gros mots un ordinateur? Si, mais secouer un frigo, shooter dans un pneu de sa voiture, cogner un distributeur de billets? Si. Et toc. Je venais de couper la chic à la pendule. 3 points pour moi. D'un seul coup, d'un seul, il ne me restait plus qu'à lui river son clou, qu'à porter l'estocade. 5.11.7. La foutue mécanique battait de ses ailes de géant. Toc toc, tic toc. Détraqué au point de donner l'heure juste. Incroyable. Victoire quasi totale. Confirmée d'un rapide coup d'œil à ma montre à quartz, dépourvue d'aiguille. Cela va de soi. J'ai adopté la précision d'un sniper et balancé une nouvelle rafale. Pas question de laisser le machin accroché au mur reprendre l'avantage. Insulter un paquet de café refusant de s'ouvrir. Engueuler une boîte d'œufs pour la même raison. Râler contre une plaquette de beurre trop dure. Secouer le combiné du téléphone pour que le correspondant décroche. Si? Eh bien moi, je parle à la pendule. Tu saisis? Bah oui. La voix de mon fils disait clairement que, pour me comprendre, il n'en désapprouvait pas moins ses comportements puérils. Tout à ma joie, je n'ai guère prêté attention au message muet qu'il m'adressait. Je parle peut-être à mes jouets, mais moi, c'est parce que je joue. 6-12-00. Cette fois-ci, 6.00.01. Yes! Ma Casio TM entérinait ma supériorité avec juste l'infime seconde d'écart qu'il avait fallu pour quitter la pendule des yeux et regarder ma montre. Je me suis levé d'un bond, poing brandi en Khrouchtchev. Je t'ai eu, saleté. T'es fini, foutu, coincé. J'ai repris mon souffle. Aucun toc n'a retenti. Quel pied, avant de repartir de plus belle. Tu fais moins la fière maintenant. Alors, on réalise qu'on n'est pas à la hauteur, même de là-haut. Plus dure sera la chute, pas vrai, papa? Tu ne trouves rien à répondre, foutu mécanique. Où sont passés tes tocs et tes tics systématiques? Ton air supérieur, papa? Te battre n'était rien d'autre qu'une question de temps. Tu aurais dû le savoir. Comme quoi, on a raison de dire que les cordonniers... Papa! J'ai sursauté. Clic, clic. Puis mon rythme cardiaque a repris son pas d'homme tranquille. Tchouk, tchouk, tchouk, tchouk. Qu'est-ce qui se passe, Biquet? Y a maman qui te regarde. Avis de tempête, me suis-je dit. Tu peux me dire ce que vous fabriquez tous les deux? On n'entend que vous dans toute la maison. C'est papa qui? Toi aussi, mon fils, ai-je césarisé, tandis que mon épouse volte-façait. Et que fait ton fils debout alors qu'il devrait dormir? Surtout à cette heure. Son index tendu désignait la foutue mécanique ironique trônant au mur. Toc, toc. Mes poils de bras se sont hérissés sous la force centrifuge d'une ola glaciale. 6, 12, 4. C'était reparti pour un tour. Tempus fugit, foutue mécanique.